Mais un instant, ce n'est pas le tout que de coffrer un homme. On ne se passe ce luxe judiciaire que pour toucher son argent. Par qui serez-vous payé? Par ceux qui lui donnent de l'argent. Ah oui, j'oubliais que le ministre de la guerre l'a chargé du monument érigé à l'un de nos clients. Ah, la maison a fourni bien des uniformes au général Montcornet. Il les noircissait promptement à la fumée des canons, celui-là. Quel brave! Et il payait recta. Un maréchal de France a pu sauver l'empereur ou son pays, il payait recta sera toujours son plus bel éloge dans la bouche d'un commerçant. Eh bien, à samedi, monsieur Rivet. Vous aurez vos glands plats. À propos, je quitte la rue du Doyenné, je vais demeurer rue Vanneau. Vous faites bien, je vous voyais avec peine dans ce trou qui, malgré ma répugnance pour tout ce qui ressemble à de l'opposition, déshonore, j'ose le dire, oui, déshonore le Louvre et la place du Carrousel. J'adore Louis-Philippe, c'est mon idole. Il est la représentation auguste, exacte, de la classe sur laquelle il a fondé sa dynastie. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour la passementerie en rétablissant la garde nationale. Quand je vous entends parler ainsi, dit Lisbeth, je me demande pourquoi vous n'êtes pas députée. On craint mon attachement à la dynastie, répondit Rivet. Mes ennemis politiques sont ceux du roi. Ah, c'est un noble caractère, une belle famille. Enfin, reprit-il en continuant son argumentation, c'est notre idéal, des mœurs, de l'économie, tout. Mais la finition du Louvre est une des conditions auxquelles nous avons donné la couronne, et la liste civile, à qui l'on n'a pas donné de terme, j'en conviens, nous laisse le cœur de Paris dans un état navrant. C'est parce que je suis juste milieu que je voulais voir le juste milieu de Paris dans un autre état. Votre quartier fait frémir. On vous y aurait assassiné un jour ou l'autre. Eh bien, voilà votre monsieur Crevel nommé chef de bataillon de sa légion. J'espère que c'est nous qui lui fournirons sa grosse épaulette. J'y dîne aujourd'hui, je vous l'enverrai.